Le ciel, ça se gagne pas, ça se construit. Dans le sens que c'est pas une affaire de mérite, c'est une affaire de capacité. Puis les gens, parce qu'ils sont trop dans une notion de mérite puis de justice au sens moral, ils brûlent des capacités, ils s'empêchent, ils se retardent. Ça donne à rien de rester en bas et dire ben moi au moins je suis honnête puis je vais aller au ciel. Ça, c'était correct dans l'esclavage comme on l'a connu, puis qui nous a menés là où on est rendu, justement, puis qui fait qu'on a tout le temps été dominés. L'être humain, l'individu, faut qu'il gagne son ciel. Il est coupable en venant au monde, puis il faut qu'il se rattrape. Ça n'a pas de bon sens, ça. Là, après ça, pour des raisons psychologiques, les gens vont se décharger en disant, c'est pas de ma faute, c'est le monde qui est injuste, c'est à cause des riches que je suis pauvre. Ça n'a aucun sens.